Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 29. Aujourd'hui, jeudi 9 janvier. J'espère que vous allez tous très bien, chers amis. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode. Bien sûr, le temps des fêtes étant ce qu'il est. C'est vraiment le mois le plus tough de l'année, quasiment le mois de décembre, sérieux. Moi, j'appréhende ça beaucoup à chaque année, le magasinage de cadeaux et puis tous les événements qu'il y a, puis les événements sociaux quand même. Je suis comme, oh maudit, il faut voir du monde. Mais il faut quand même planifier tout ça, puis avoir, bâtir un horaire familial autour de tout. Il y a du hockey, mon gars, la fin de semaine. L'autre, il y a de la gym, il y a des activités. Ah, c'est vraiment comme une montée fulgurante vers le 24, et après ça, 25, puis là, ça tombe tranquille. Et puis là, c'est un moment plaisant de l'année, vraiment, où est-ce qu'on peut se détendre. Et puis, c'est ça. Donc, à travers tout ça, j'ai vraiment pas eu le temps d'enregistrer d'autres épisodes. Mais de toute façon, à part être vraiment busy, c'est pas passé grand chose. C'était vraiment le roulement. Puis, là, on est en 2020, ça prend tout le temps un peu de temps avant de s'habituer. Signer une coupe de chèque 2019. Mais 2020, c'est une belle année. J'ai eu 40 ans à Noël. Je suis vraiment né le 25 décembre, en fait, proche de 5 heures de l'après-midi. Donc, j'ai eu 40 ans. Mais je suis quand même heureux, tu sais. Parce que quand t'as 40 ans, t'es malheureux. Non, moi, je crois que la vie commence à 50. Et puis, quand les enfants sont assez vieux, tu sais. Puis, pas que les enfants, comme... Comprenez ce que je veux dire, là. Quand ils sont... Tu gagnes la liberté, tu sais. Parce que, oui, t'es beaucoup occupé. Mais des enfants te prennent de moins en moins de temps. Fait que t'as de plus en plus de temps pour ta vie à toi, finalement. Et puis, c'est très appréciable. Donc, c'est ça, rendu à la quarantaine, je me sens bien, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, crise de la quarantaine » puis tout. J'ai pas fait ou je pense pas faire de crise de la quarantaine. Je pense pas. Peut-être rendu à 50, je sais si je sais, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, comme moi, je suis heureux, là, tu sais. Ma vie est bien occupée. La vie familiale va bien. J'ai deux enfants, ils grandissent. Mon couple est en santé, tout le monde est en santé, et puis on fait l'amour, et puis on construit des choses ici, on vend des maisons, on achète un immeuble, on a des projets. Et puis, Arcane Montréal existe, donc ça, c'est une grande réussite personnelle. On est plusieurs là-dedans, mais personnellement, pour moi, c'est une réussite importante dans ma vie. Rétro Montréal existe aussi, et puis ça, c'est... C'est une belle réussite aussi pour moi. C'est vraiment comme deux commerces, tu sais, que je voulais vraiment avoir et puis que j'ai. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas vraiment de crise de la quarantaine, mais de la façon que je vois ça, je veux juste comme sur mon lit de mort, ne pas avoir de regrets, ou du moins pas trop, par rapport aux choses que j'aurais voulu tenter dans la vie. Et puis, j'essaie de tenter vraiment tout ce que je veux, sans faire de niaiseries le plus possible, même si on peut jamais vraiment planifier le résultat de ce qu'on bâtit. Mais c'est ça, donc à cause de tout ça, ben je me sens quand même léger à la quarantaine. Et puis, j'ai recommencé à jouer au hockey sur glace pour me remettre en forme un peu. Hier soir, d'ailleurs, je joue le mercredi soir, fait que jeudi, comme aujourd'hui, je manque de sommeil. Il y a tellement pas de place pour jouer au hockey à Montréal. Si t'as comme des millions à investir, là, j'arrête pas de le dire à tout le monde, mais malheureusement, je connais personne qui a des millions à investir. Bâti un aréna privé. Et puis, il y a tellement de manque de temps de glace sur l'île de Montréal. Bâti ça dans Angus, là, ben, un quartier de famille, là, où est-ce que les pères comme moi, ils sont comme « Colin, je veux pas avoir de bédaine grossi, il faut que je bouge. Comment ça, avant, je joue au hockey, puis là, je joue plus au hockey. » Puis là, tu veux joindre une ligue, mais là, c'est genre dans une aréna à fucking Brossard ou bien au centre-ville à 11h du soir, tu sais, un mardi. Fait que ça, c'est vraiment de la merde. Mais c'est ça, bâtis-toi un aréna, je te le dis, ça va coûter des millions, mais en deux ans, ça va être rentabilisé, je t'en passe un papier. Moi, j'ai pas de millions, malheureusement, sinon, je ferais ça d'aplomb. Fait que, je me remets en santé, et puis j'essaie de me garder en shape, et puis j'ai pas de l'air trop vieux, là, je trouve, quand même. Mes enfants disent que je suis très, très vieux. Mais ça, c'est des enfants. Et puis, moi, personnellement, je me sens bien. Là. Ah, c'est sûr que j'ai comme mal au bras, j'ai comme un bras de pété. Puis bon, quand on veille tard, c'est pas si plus dur que ça s'en remettre, mais tu sais, c'est comme fatigant de s'en remettre. Et puis, je fais plus attention à ce que je mange, tu sais, quand on est comme rendu là. Je me rappelle au cégep, tu sais, ou quand on était plus jeune, s'il y avait un buffet chinois devant nous autres, on mangeait tout le buffet, c'était merveilleux. Il y avait des bières, on buvait toutes les bières, on se couchait, on mangeait comme des animaux, on se couche, on se lève, on refait nos affaires. Plein de journées en ligne, tu sais, comme il y avait aucun frein à whatever. Mais là, je dis, Ah, je mange-tu un morceau de ça avant de me coucher? Peut-être que mon estomac est... Ah non, je fais attention. Je calcule avec ça. Ben, il faut faire attention pour pas transformer ça en anxiété. Bref, je me sens bien. C'est 2019. Et les choses se passent tranquillement. J'ai pas de grands plans précis ou de résolution. Tu sais, moi, je suis plus genre... On continue de pousser, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Et puis, tout d'abord, les travaux achèvent ici. Ça l'achève vraiment. D'après moi, c'est facilement fini d'ici la fin janvier. Là, dans le fond, ce qui reste à faire, il reste à moi appliquer un scellant sur le plancher de béton du sous-sol. Donc là, il faut que moi et ma blonde, on se mette à quatre pattes, puis qu'on gratte tous les petits spots de colle, puis les petites coches, puis qu'on essaye de le mettre le plus égal possible là, avec un papier sablé et tout. Après ça, j'applique un scellant. J'en ai déjà la moitié de fait, et je vais faire l'autre moitié. Après ça, l'entrepreneur vient installer porte, moulure et puis toutes ces affaires-là. L'escalier se fait faire final et les peintres viennent donner la dernière couche de peinture. Donc, tout ça, ça sonne beaucoup, mais c'est toutes des affaires qui prennent... L'escalier, ça prend une demi-journée, les moulures, deux jours, les peintres, une demi-journée, tu sais, ça... Il suffit juste qu'ils ne viennent pas à une semaine d'intervalle, puis on va être bon pour finir bientôt. J'ai assez hâte, là. C'est tellement le bordel ici, là, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Ça fait 2 ans bientôt, cet été, ça va faire 2 ans qu'on a eu... qu'on a entrepris le projet de vendre notre ancienne petite maison dans laquelle on habitait depuis 7 ans, près du métro Frontenac. Sûrement qu'il y en a qui écoutent présentement, qui sont venus chez moi m'acheter des jeux d'ailleurs. Et puis, avec ça, on a acheté un triplex. Et puis là, en achetant le triplex, c'était sûr qu'on faisait excaver, il y avait un budget pour ça. Et fait qu'on s'est jamais installé ici, tu sais, au rez-de-chaussée. On n'a même pas peinturé, on n'a même pas bouché les trous dans les murs, on a rien fait, tu sais. On a comme mis les meubles, on a essayé d'organiser les enfants parce que ces travaux-là allaient venir, mais ces travaux-là, du début jusqu'à la fin, de l'excavation jusqu'à la finition, il y a tellement d'étapes, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de téléphones, puis de soumissions, puis de... Sérieux, c'est faut pas que tu penses à ça avant de te lancer là-dedans, sinon c'est sûr que tu le fais pas, là. Mais là, cette année, on s'assoit sur notre steak, et puis tout va être parfait. Là, on s'installe comme il faut chez nous, ça va... Vous savez pas à quel point j'ai besoin de ça. On a une cage d'escalier ici qui mène au sous-sol, et puis c'est une vieille cage d'escalier avec une porte. Un escalier très étroit qui descend dans la cave, c'était très lugubre. Puis là, on a fait percer chaque côté de la cage d'escalier pour que d'en avant en arrière de l'immeuble, la lumière passe, tu sais. Puis anyway, l'escalier est plus large maintenant, donc tout ça a changé. Mais quand ils ont passé la skilsa dans le béton de la cage d'escalier, c'est pas du béton, c'est du plâtre puis de la latte, genre de 1927, la poussière que ça l'a faite, il avait mis des bâches, tu sais, tout, mais... Ça passe pareil, là. Il y avait... Tout était blanc dans la maison. C'était... Tu rentres, c'est comme... C'est comme si t'étais dans un nuage de craie, là, tu sais. Il y en a sur les Legos, dans les boîtes. Il y en avait sur les brosses à dents, dans la salle de bain. Je vous jure, il y en avait partout. C'était vraiment déprimant. Ça... Puis là, on fait le ménage, puis là, il y en a encore. Tu sais, même si tu passes, il s'en redépose tout le temps, tu sais. C'était horrible. Là, ça vaut le coup parce que c'est vraiment... On est vraiment ailleurs, là, mais oh my God! Ça m'a comme scié, là, dans au mois de décembre, là. J'étais comme... Ça m'a déprimé solide. Mais c'est des étapes nécessaires. Tu sais, dans la vie, si tu fais juste des choses faciles, t'as pas une grande récompense, là, tu sais. Fait que oui, là, on a mangé de la merde avec ça, mais on est comme tellement plus heureux, là, tu sais. Fait que il faut, faut souffrir pour que ça paye. Donc, je devrais pouvoir descendre mes choses dans le sous-sol bientôt. Et là, cela dit, je vais comme descendre mes choses dans le sous-sol. Ça sera pas meublé. J'ai comme un plan, je parle de mon coin gaming, j'ai comme un plan de d'avoir des meubles custom, des affaires, mais là, je peux pas, tu sais, comme commencer ça tout de suite. Là, je vais juste descendre mes choses et puis m'installer, là, mettre mon bureau là. Je veux faire un tri aussi, tu sais, j'ai acheté beaucoup de choses cette année, bien sûr, mais là, j'ai des doublons qui s'accumulent dans un bac là-bas, faut que je vende ça. Je veux vendre des sections. Peut-être je vais vendre tous mes jeux PS3, tu sais, peut-être Vectrex, donc quelques jeux de Genesis. Je veux faire un tri encore. Je veux voir quel espace que ma collection occupe. Puis je veux, après ça, un coup que je vais avoir vécu avec un mois ou deux ou je sais pas combien de temps, avec les meubles IKEA que j'ai présentement, tu sais, ça va vraiment être comme à la bonne franquette. Mais c'est en vivant avec, un moment donné, t'es comme, ouais, ça, je vais mettre ça là, ça, je vais mettre ça là. Puis là, je vais être prêt à appeler un ébéniste ou quelqu'un qui va me faire de quoi, tu sais, qui va faire du sens, dans le fond. Fait que c'est des beaux projets. Mais juste d'être en bas, là, déjà, là, tout, un enfant va descendre en bas, un autre va aller là, notre chambre va changer de place, tout ça va faire un Tetris, tout va retomber à la bonne place. Donc, je suis très, très, très excité. Puis, anyway, je mets des photos sur ma page Facebook. Fait que regardez ça. Je montre un peu le développement des travaux. Et puis, qui dit jeu, qui dit temps des fêtes, dit jeu des fêtes. C'est correct. Excusez, j'ai regardé mon. Le plan du show. Fait que, ouais, dans le temps des fêtes, moi, ce que j'aime aussi dans la petite accalmie, c'est de prendre le temps de terminer des jeux. De mon backlog, on a tous un très grand backlog. Puis, comme toutes mes consoles rétro sont rangées ou cachées, j'ai pas mal juste ma Switch à laquelle je joue présentement. Fait que là, j'ai terminé Céleste. Un peu avant Noël, là j'étais content, je prenais de l'avance, tu sais. Ah ben vous avez vu ça aussi sur ma page Facebook. Bref, j'ai adoré Céleste. C'est très, ben vous savez ce que c'est, hein, tout. Puis j'ai été surpris parce que oui, je savais que ça parlait d'anxiété, puis de c'était comme un voyage sur soi qu'on fait là-dedans, tu sais. Mais c'est vraiment bien scripté là. C'était pas comme inutile, tu sais, comme dit comme scénario. C'était quand même profond et très beau, puis non, c'était vraiment bien fait. Le gameplay est tight. Tu sais, au début, j'étais pas sûr, puis je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Il y a du monde qui ont comme vraiment pas aimé Céleste. Je comprends pas pourquoi. Tu sais, à moins que t'aimes pas ce style de gameplay-là, mais en achetant ça, tu sais à quoi t'attendre un peu, tu sais. C'est pas aussi extrême que Super Meat Boy, mais c'est un peu la même mécanique dans un sens, là, tu sais. Mais pas aussi extrême, c'est plus smooth, tu sais. C'est plus calculé. Ben, c'est très calculé, Super Meat Boy, mais. Je sais pas comment le dire, là. C'est plus. C'est relax, en étant des fois un peu tough, mais c'est quand même très faisable. C'est un jeu magnifique, j'ai adoré ça. Bien content de l'avoir fait. Il me reste plein de choses à ramasser dedans, bien sûr, les fraises, puis les cassettes, puis tout, mais. J'ai rarement le temps de me rendre jusque-là. Donc, j'ai terminé ça, j'ai mis ça de côté, puis j'ai joué à Valfaris. My God! Quelques personnes l'avaient recommandé, j'étais pas trop sûr. On l'avait chez Retro Montréal, je me suis dit, ah, ok, on va y donner une petite chance. Puis finalement, j'ai trippé solide, là, sérieux. J'ai Slain en plus, c'est le même gars qui a fait Slain. Et puis, même équipe, je pense, je connais pas les membres, là, mais ça vient de la même place. Et puis, Slain, j'ai pas joué vraiment. T'sais, j'ai comme juste fait le premier niveau à peu près très vite là, l'année passée. Je me suis pas attardé. Mais Valfaris prend un peu le même thème hardcore metal bloody, là, t'sais, mais là c'est comme un peu technologique au travers de ça, t'sais, comme c'est dur à expliquer, mais le artwork est nice, t'sais, c'est très vieil ordinateur, comme bloody mécanique cyborg, c'est métal, c'est très métal. Puis où est-ce que Slain était vraiment comme un peu plus slow puis clunky, là le gameplay il est bon, là, il est rapide et puis il est efficace, le système d'armes, sérieux, je m'attendais pas à aimer ça tant que ça, là. J'ai vraiment trippé là-dessus, c'est très bon, c'est un genre de contrat, on pourrait dire que c'est comme un peu comme contrat en fait, C'est très comme contrat, en fait. Il y a des véhicules et puis des boss intéressants. Il y a bien des affaires. Donc, moi, allez voir du gameplay. J'ai aimé ça beaucoup. Et puis, j'ai commencé Shovel Knight Treasure Trove, qui est, dans le fond, la compile de tout ce qui existe de Shovel Knight et là-dessus. Donc, Shovel Knight. Il y a eu trois... Moi, je me suis pas renseigné au cours des années sur tout ce qui existait de Shovel Knight, mais il y a eu trois campagnes, trois DLC. Il y en a un qui c'est Plague of... je sais pas quoi, là, avec le Knight, tu sais, des pas... Plague Knight, dans le fond. J'ai oublié le nom de cette campagne-là. J'ai Spectre of Torment avec Spectre Knight. King of Cards avec King Knight. Et puis, il y a aussi Shovel Knight Showdown, qui est un genre de Smash... 2D, tu sais, de deux personnages qui fight. Je l'ai regardé vite, mais pas vraiment intéressé par ça, moi, personnellement. Donc, moi, je voulais faire toutes les quests, tu sais. Donc, là, pour commencer, j'ai refait Shovel Knight normal, parce que j'y avais pas touché depuis... fait des années, tu sais, dans le fond. J'avais joué quand c'était sorti sur 3DS. Fait que j'ai joué à ça, j'ai fini. Après, j'ai essayé Spectre of Torment, parce que tout le monde dit que c'était vraiment bon, puis effectivement, c'était vraiment ça coche le... Le slash, la façon que le personnage se déplace dans l'écran en slashant des ennemis ou des lanternes, tu sais, tu voles là, carrément, tu dashes dans toutes les directions, hein, finalement, c'était super bien fait. Le scénario était comme dark un peu, strict, comme, ah, tu sais, c'était pas... C'est pas épeurant, mais c'est triste, tu sais, en même temps, c'est lugubre. Mais bien sûr, c'est Shovel Knight, donc il y a ben de la joie de vivre dans ce jeu-là. La musique est incroyable, dans, très, très, très, très bon. Là, j'ai entamé King of Cards, et puis même plus qu'entamé, je suis rendu presque à la fin. Le twist qu'il y a dans King of Cards, c'est que tu as un jeu de cartes là-dedans. Et là, puis il faut que tu deviennes le champion du jeu de cartes. C'est ça que ton personnage veut devenir. King Knight, il veut devenir le champion de ce jeu de cartes-là, tu sais. Puis là, j'étais « Colin, man! » Puis le style de jeu de cartes là-dedans, moi, je suis pas capable, tu sais. Moi, j'ai bien. Faut que tu planifies des coups d'avance, quand même, là. Et puis, c'est pas une de mes forces, ça, aux échecs, tout ça, tu sais, comme voir trois coups d'avance, tu sais, je vais faire ça, après ça, lui, peut-être qu'il va faire ça, s'il fait ça, je vais faire ça. Oublie ça, là, tu sais. Puis là, ça me déprimait, j'étais comme. Ah. Mais, tu sais, je faisais les niveaux, t'as des niveaux d'action, là, tu sais, de jeu, puis t'as des niveaux de cartes. Mais là, je me forçais à aller faire les niveaux de cartes parce que je me disais, ben, c'est important, il faut que je me train, tu sais, les boss, ils requièrent ça. Mais finalement, tu n'as pas besoin de jouer aux cartes si tu veux pas, tu sais. L'histoire te dirige là-dessus, tu sais, tu peux acheter des cartes, tu as plein d'affaires, mais tu peux ne jamais jouer aux cartes si ça te tente. Et là, quand je me suis comme rendu compte de ça après avoir battu le premier des trois boss importants du jeu, ça m'a vraiment soulagé. J'étais vraiment sur le bord d'être en tabarnak contre ce DLC-là. Donc, essayez-le, puis ben, le jeu de cartes, tu sais, il est bien, c'est juste, c'est moi qui est pas vite, là, tu sais. Donc, essayez ça, peut-être vous allez adorer ce jeu de cartes-là, mais c'est pas mal fait, tu sais, c'est juste, j'ai de la misère, mais c'est là, puis ça rajoute une belle couleur à ce DLC-là, puis la façon que le personnage, il fonctionne dans le jeu, c'est qu'il dash, puis il plaque. Puis en plaquant, il spin dans les airs, puis avec ce spin-là, tu peux faire des pogo attaques, tu sais, sur les ennemis, ou creuser dans de l'or, des affaires de même. Fait que c'est tout le temps plaqué, spiné. C'est assez nouveau, ou un peu weird comme mécanique, je dirais. Mais au début, j'étais pas sûr, ça prend plus de temps que de rentrer là-dedans que dans le DLC Spectre Knight. Mais là, je suis rendu à la fin du jeu, puis ouais, là, c'est cool, là. T'sais, j'ai vraiment du fun. Donc, excellent. Plague Knight, j'ai pas commencé encore. Paraît que c'est pas bien le fun parce qu'il tire des potions, puis ça va mal, apparemment. Donc, je vais m'y mettre. Peut-être que je vais prendre une pause, par exemple. Je vais me le garder pour plus tard cette année. Mais bref, beaucoup, beaucoup de Shovel Knight pour moi dans le temps des fêtes. Et puis, j'ai bien aimé ça. C'est tellement hot, Shovel Knight, sérieux. La musique et tout, c'est incroyable. Fait que, fait que j'ai fait ça dans le temps des fêtes. Puis, on a du changement aussi pour 2019. Je vais parler un peu de Retro Montréal puis de Arcade Montréal. Puis après ça, je vais aligner sur mes acquisitions et puis ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Retro Montréal, on a comme avec la nouvelle année, on veut vraiment... Là, on appréhende que ça va être un peu plus tranquille après Noël. Tu sais, le monde, ils ont dépensé, puis il faut qu'ils se refassent. C'est normal. Fait que nous autres, on en profite pendant ce temps-là pour essayer de remanier un peu les rôles dans l'entreprise. Moi, personnellement, je voulais revenir travailler de chez moi un peu. Parce que là, quand on a ouvert, j'étais là du lundi au vendredi, puis je travaillais à temps plein au magasin, dans le fond. Et puis, j'ai laissé de côté ma profession de designer graphique et laissé de côté aussi des sous importants pour me concentrer sur Arcade Montréal puis Retro Montréal. Mais je travaille pas chez Arcade Montréal, mais je travaillais chez Retro Montréal. Puis chacune de ces deux entreprises-là me donne des dividendes. Fait que moi, je vis avec ça et le salaire de Retro Montréal, dans le fond, qui est un petit salaire. Mais c'est correct. Fallait que je sois là puis je voulais être là. Et puis maintenant que l'entreprise est capable de fonctionner assez bien par elle-même, avec les employés, ben là, je peux revenir chez nous, puis je vais recommencer à faire du graphisme, du design graphique pour mon client un peu tranquillement. Tu sais, comme là, j'ai un bon contrat, fait que un mandat plutôt. Et puis, je vais m'y mettre tout en regardant de loin qu'est-ce qui se passe chez les deux entreprises. Fait que c'est ça que je veux faire un peu cette année. Je vais être vraiment partout. Des fois, chez nous, à travailler. Après ça, je m'en vais au magasin faire des journées, à nettoyer des cassettes, tester des jeux. Tu sais, j'aime ça parce que ça me fait une vie rythmée. Comme tu vois, là aujourd'hui, j'enregistre. Après ça, je travaille un peu sur le mandat dont je viens de parler. Après ça, je vais voir un magasin de jeux vidéo pour dealer avec les gens là-bas puis checker pour les jeux de Game Boy. Après ça, je vais peut-être dropper chez Retro Montréal pour aller voir là. Puis demain, il faut que j'aille à l'arcade. Je me promène beaucoup. Puis j'ai une belle flexibilité. Puis c'est très appréciable. Donc, je pense que ça va être ça. Avec le sous-sol aussi, je veux essayer d'être augmenter ma présence online. Plus de podcasts, plus de... Je sais pas quoi, en tout cas. J'ai des plans. Fait que tout ça me permet de le faire. Donc, cette flexibilité-là et puis une vie professionnelle très variée, je trouve ça plaisant. Excusez, hein. Colin, ça quand je parle, ça. Je vais me faire opérer le nez. Mais, je disais, ouais, fait que Retro Montréal, on a passé une annonce pour essayer de trouver quelqu'un qui va vraiment s'occuper de l'inventaire, faire de l'entrée d'inventaire toute la journée. Parce que nous autres, dans le fond, on achète les jeux des gens, on les met en bas. Et puis, en bas, on a comme une place où est-ce que tout le nouveau stock arrivé est là. Mettons, on se dit, aujourd'hui, on fait du Wii, puis du NES. Fait qu'on pogne en bas, on pogne des chunks de jeux, on les monte en haut, on les nettoie, on les teste. Après ça, on les met sur l'étagère de la personne qui les rentre en inventaire. Et puis, pour ça, ben, il faut les rentrer en inventaire. Que si on les a pas déjà faites, il faut prendre des photos. Ensuite, on met les étiquettes. On met ça de côté. Puis, à la fin de la journée, on fait une photo pour mettre sur Facebook et dire à tout le monde, hey, tout ça est arrivé aujourd'hui, vous pouvez l'acheter. Mais là, c'est que nous et les employés faisions de tout, tu sais. Fait que là, t'es assis, t'es en train de préparer une commande de jeu neuf avec les fournisseurs. Il y a un client qui rentre, tu sers le client, tu reviens. Qu'est-ce que je faisais? Ah oui, là, t'as des messages Facebook à répondre. Là, t'as quelqu'un qui t'envoie aussi une évaluation de jeu par email pour voir il y a sa collection à vendre. Là, après ça, il faut décrasser ces jeux-là. Il faudrait qu'ils soient en ligne d'ici la fin de la journée. Il faut rentrer de l'inventaire aujourd'hui, guys. Puis il y a tellement de choses à faire là, dans un magasin de jeux vidéo. Là. Vous n'avez aucune fucking idée. Là. On travaille en maudit là-dedans. Là. Fait que quand il y en a qui rentrent, qui viennent nous jaser pendant une heure et demie, deux heures, ça nous fait virer de sourd un peu dans notre tête. Ça arrive. Ça, c'est moins plaisant. Mais c'est correct parce que là, on va comme séparer tout ça. On veut... une personne qui fait que de l'ordinateur à longueur de journée, qui rentre de l'inventaire de façon très anale, pointue, et puis qui va être concentré là-dessus. Puis il faut améliorer notre... je sais que le site, il n'est pas parfait, là, puis que des fois, tu tapes Mario Bros 3, puis il y a genre 10 entrées, tu sais, avec le livret, avec la boîte écrasée, je sais tout ça, on essaie de trouver des solutions. Et puis, il y a des solutions simples, mais ces solutions-là coupent d'autres affaires qu'on avait. Bref, faut qu'on travaille là-dessus. Et puis, si nous, faut qu'on fasse ça, on n'a plus le temps pour se concentrer sur autre chose, le développement de l'entreprise. Donc, on va avoir une personne qui va s'occuper de ça. Les employés qu'on avait déjà, ils vont vraiment gérer, comme tester, puis nettoyer des jeux, puis faire du plancher. s'occuper de la clientèle. Moi, je serai plus là. Fred est plus là. Et puis, Joe reste là. Joe, il va vraiment manager overall la business. Et puis, s'occuper des commandes, répondre à Facebook et tout. Puis, on va, il y a Phil qui est assistant gérant qui va être là la semaine et la fin de semaine. Donc, ainsi, en faisant des rôles précis pour chacun, je pense que ça va fonctionner vraiment mieux. Et puis, j'ai bien hâte de voir ça. Vraiment, parce que quand on a ouvert, c'est parti tellement vite. OK, go. Puis de penser que tous les employés qu'on allait engager allaient faire tout comme nous, les proprios, c'était peut-être un peu une erreur parce que c'est quand même compliqué puis il y a beaucoup de choses à faire. Donc, bref, là, on veut vraiment hiérarchiser tout ça et puis mettre de l'ordre. Ça fait partie du développement d'une entreprise et puis c'est bien intéressant. Donc là, je suis bien confiant qu'en 2019, ça va... Ça paraît peut-être pas pour vous autres si vous magasinez chez nous, mais... Dans le back-end, c'est comme... Faut démêler les affaires, là, tu sais, parce que ça nous demande du temps de gestion, tu sais. Une entreprise va bien quand t'as pas besoin d'être là puis de t'investir dedans tout le temps, tu sais. L'arcade, ça va, on va avoir 4 ans bientôt, puis on n'a pas rien... Ça roule, là. Gérant, employé, tout le monde sait quoi faire. S'il y a un bug, on le règle, that's it, tu sais. Fait qu'il faut que le magasin devienne comme ça aussi. Là, c'est normal, on a même pas un an encore. Donc, mais c'est du bon développement, là, puis on s'est vraiment aligné là-dessus. Fait que ça, je suis bien. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et puis, pour Arcane Montréal, justement. Non, mon café, il s'en vient froid. Pour Arcane Montréal, vous avez peut-être vu passer qu'on essaye de. On n'essaye pas. On explore un peu la rue Wellington à Verdun. Et puis, on envisage peut-être ouvrir un deuxième commerce. Ça serait pas... Je n'ai-tu déjà parlé, là? Ça se peut. Désolé, je me répète. Et puis, c'est sûrement cette année que ça se décide si oui ou non on le fait, dans le fond. Et puis, on vise Verdun parce que Verdun, il n'y a pas beaucoup de bars là-bas, vraiment, sur Wellington, à ce qu'on a vu. Et puis, c'est moins cher que Notre-Dame Sud-Ouest et Atwater et tout ça. Parce qu'on veut pas se cannibaliser, tu sais, on est sur Saint-Denis, fait qu'il faut aller un peu plus à l'ouest, mais je veux pas aller trop à l'ouest, puis pas besoin d'aller plus à l'est non plus, tu sais. Donc, faut avoir une certaine distance. Donc, si on peut servir des gens plus à l'ouest qui ont pas besoin de venir jusqu'au quartier latin, tu sais, je pense que ça fonctionnerait, mais c'est vraiment plus quartier comme rue. La Well, et puis c'est ça qui me fait peur un peu. Fait que présentement, on a visité des locaux, toutes. J'ai rencontré les gens de l'arrondissement, promenade Wellington, et puis il y a beaucoup d'étapes hein, pour ouvrir un bar. Arcane Montréal, dans un sens, c'était pas très compliqué à faire. Le bar existait, un des propriétaires là-bas nous a poké, on a dit « Voulez-vous mettre vos affaires chez nous? » On a dit oui, on a payé, on a passé un coup de pinceau, et puis voilà. Le permis de bar était là, tout était là, tu sais, fait que c'est une façon... racheter un fonds de commerce, dans le fond, c'est une façon très simple de faire les choses, et puis c'est très bien. Cependant, c'est que t'as pas nécessairement ce que tu voudrais parfaitement non plus si c'était toi qui le construisais, tu sais. Parce que, mettons, Arcane Montréal, là, c'est bien, mais moi, dans ma tête, j'aurais aimé ça avoir un rez-de-chaussée, des portes qu'on peut ouvrir l'été, avoir de la bouffe, plus de place assise, tu sais. Donc, tout ce genre d'affaires-là. Fait que, mais là, le bar, il était là, puis le voulez-vous? Ah, ouais, c'est bon, on pourrait le faire, puis on l'a fait, puis la titre. Mais là, Wellington, il n'y en a pas de bar de même à racheter. Ben, il y en a un qu'on a envisagé, mais il n'est pas assez grand. Mais c'est tout, il n'y en a pas. Fait que là-bas, il faut bâtir from the ground up tout. Fait que c'est vraiment plus d'ouvrage parce que là, ça prend des plans d'architecte, des plans d'urbanisme, des plans d'ingénieurs, des plans. Qu'est-ce qui va être où? L'entrée des handicapés, ça prend absolument de la nourriture parce qu'eux autres, à Verdun, il faut manger absolument parce que la boisson du sol, c'est méchant. Et puis, il faut convaincre des élus, il faut aller rencontrer le maire de l'arrondissement. Toutes les gens là-bas, il faut faire un document de présentation. Ça nous prend un permis d'alcool. Avoir un permis d'alcool dans une place qui n'en a pas et qui n'en a jamais eu, c'est vraiment pas simple. Puis ça peut être très long, tu sais pas. Tu peux louer la place puis être prêt à opérer puis ne pas avoir ton permis d'alcool pendant un an. Là, Québec, c'est ça. Ils sont calistes de toi. Là, fait que tu peux aussi bien faire faillite avant d'avoir ton permis. Donc là, ça, c'est très épeurant. C'est très compliqué parce que s'il faut que tu trouves un local pour mettre dans ta présentation, pour avoir un plan d'urbanisme, pour avoir ton permis, ben, il faut que tu loues le local, là, tu sais. Tu vas pas aller chercher tes permis sur du vent, là, tu sais. Fait que t'as pas le choix de louer une place. Mais là, si eux autres, ils disent après ça, le permis, ouais, cette place-là, ça marche pas. Tu sais, c'est comme la... C'est comme passe-moi à la POC des colocs, là, tu sais. Tu vas aller te chercher du BS, t'as pas d'adresse, mais tu peux pas... Tu peux pas aller te chercher une adresse, t'as pas de revenus. Fait que c'est un peu ça, là. C'est comme, à un moment donné, faut... C'est ça. C'est pas, on sait pas trop par où commencer. Mais on commence par... faire une certaine petite étude de marché. On connaît les gens du Trèfle Verdun. On les a pokés, voir si la business était bonne, eux autres là-bas. Et puis, Benelux, les gens du Benelux là-bas aussi, j'ai déjà eu plusieurs contacts, je leur ai écrit aussi directement. Pas pour savoir combien d'argent ils font, mais pour savoir si, c'est quoi la vibe là-bas. Le monde, il se couche-tu de bonne heure? C'est-tu quartier précis? Es-tu vivant? Y a-tu des tout croches qui pètent des vitres? Vraiment avoir un feeling là, de la place. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un bar qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui est comme déjà fermé, puis ça avait l'air très beau. Ou s'il n'est pas fermé, il est à vendre, je crois, on peut l'acheter. Mais non, c'est trop petit. Donc, tu sais, quand je vois ça, ça me fait peur un peu. Il y a un autre bar à champagne ou à vin qui va ouvrir bientôt. Ça, c'est nice, je sais pas si ça va toffer longtemps. Donc, c'est ça. Puis s'il faut qu'on construise quelque chose au grand complet, ça va coûter pas mal plus cher que le budget qu'on avait prévu, là, dans le fond, genre 100 000 de plus. Fait qu'il faut le mettre. Puis, tu sais, quand on trouve ça, ben chacun des actionnaires met son argent. Puis là, ben on espère que ça marche, puis que beaucoup de monde y vienne, puis qu'on reçoit beaucoup d'argent pour rembourser nos investissements. Puis le remboursement d'investissement, ça peut prendre du temps. Donc là, avec tous les travaux que j'ai faits ici, puis tout ça, j'ai peur de que ça me coince d'aplomb, de si jamais une nouvelle place ouvre, roule pas autant que prévu, que ça prenne genre 2 puis 3 ans à rembourser mon investissement. Ça, je trouverais ça un petit peu plate, tu sais, parce que tu commences à être rentable quand la place est finie de payer, là, t'sais, sinon c'est comme si tu n'avais pas fait d'argent. Donc, c'est à voir, mais en tout cas, je suis tellement comme occupé avec la maison ici puis avec l'ouverture de Rétro Montréal l'année passée que ce projet-là, il y a comme... Les actionnaires sont motivés. Moi, pas tant. Ben, je suis motivé, oui, quand moi, je me laisse porter... Par la motivation des gens, tu sais. S'il y a juste moi de motivé, c'est moi qu'il faut que, tu sais, tout le monde, on pourrait faire ça, puis le monde, il répond pas, ben, fuck it, hostie. Moi, c'est ça, là. J'ai fait ça longtemps. Moi, je suis un gars de même, tu sais. Moi, j'ai rencontré plein de monde. J'ai dit, hey, bonjour, on se connaît pas, mais, tu sais, belle entreprise, je suis motivé, voulez-vous qu'on fasse de quoi? Hein? Très peu de gens ont répondu à l'appel, mais ceux qui ont répondu, ben ça a fonctionné, tu sais. Fait que j'ai des projets, puis la plupart du temps, les gens, ou des idées, puis il y a bien du monde qui me disent non. Et puis c'est correct, ça fait partie de la vie. Hey, Arcade Montréal, sérieux, on a rencontré tellement de monde qui nous ont dit non. Une chance, en fait, parce qu'on s'est bâti nous-mêmes, on a fait le truc nous-mêmes, puis là, c'est comme, tant mieux, ça marche, puis l'argent est à nous autres. Mais c'est ça. Donc, moi, je me laisse... Moi, je suis motivé à la base, puis ça me prend du monde motivé avec moi. Si moi, je traîne le bateau, là, moi, j'ai plus la force là, de ça. Là, si ça te tente pas, moi, j'ai pas le temps de te convaincre. Donc, c'est un peu de même que je le vois présentement. Je veux que si on fasse ça, que tout le monde soit crinqué à l'os, et puis qu'il montre de l'enthousiasme, puis qu'il travaille aussi là-dedans, parce que tout le monde... a des jobs, sauf moi, bien sûr, parce que moi, je suis comme flexible, travailleur autonome, puis je veux pas qu'à cause de ça, il faut que ce soit moi qui fasse tout. Donc, faut penser à ça aussi, parce que moi, je sacrifie des revenus pendant que je m'en vais à Verdun visiter les locaux, puis rencontrer les gens de la promenade, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est ça, là. J'ai besoin de ces revenus-là, là. Ça coûte cher, là. L'école privée l'année prochaine, là, le stock de hockey, je m'achète même pas de linge, tiens, je suis tout le temps en camisole, tout le temps le même linge, J'aimerais ça me payer une styliste, un ou une styliste qui m'aide avec ça. J'en parle souvent. À un moment donné, je vais me payer ça. Fait que c'est ça qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui va... On va voir. Moi, je laisse aller le bateau. Puis si les astres s'alignent et que ça fonctionne, all right. Si c'est pas à Verdun, ça sera autre chose. On verra. Moi, je suis pas pressé. de dépenser cet argent-là. Mais je suis pressé de dépenser de l'argent pour mon full set Game Boy, par exemple. Et puis, on est rendu là. Vous avez vu sur ma page Facebook, bon, là, vu que j'avais pas le temps d'enregistrer des épisodes, j'ai mis sur Facebook les affaires qui se sont ajoutées à ma collection. Donc là, si vous avez suivi ça, vous avez vu que j'ai eu beaucoup de gros jeux de Game Boy et des consoles analogues et tout. J'ai fait une couple d'autres posts, mais là, je vais juste me présenter aujourd'hui assez vite fait les jeux Game Boy qui s'ajoutent à mon set. Mais je vais en parler parce que je suis vraiment excité, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste pour faire un petit historique, dans le fond, je vais commencer par les grosses affaires. Il y a une couple d'années, un ami à nous, qui était vraiment un ami proche de la gang, collectionneur vraiment intense, collectionnait beaucoup le portable, ben le DS puis le Game Boy original, comme moi. Et puis, c'est vraiment, on avait cette passion-là, tu sais, puis c'est un chum qui est parti il y a 4 ans, juste avant qu'on ouvre Arcade Montréal. Il a déménagé à Vancouver pour travailler pour Nintendo. Et puis, une fois rendu en Vancouver, il était, il y avait, tu sais, la collection, ça marche beaucoup aussi avec, je sais pas, tes amis, t'en parles, puis tout. Puis là-bas, ben, au départ, il y avait pas d'amis, puis il était loin de nous autres, la gang de collectionneurs, tu sais, fait qu'il a comme perdu l'intérêt un peu de la collection. Donc, il s'est départi de sa collection, en fait. Et puis, dans sa collection, il y avait des jeux Game Boy, bien sûr, beaucoup. Il y avait une très solide collection de Game Boy. Et puis, il y avait... Ouais, ben, je vais le raconter l'anecdote jeu par jeu, en fait. Et puis, c'est ça, donc, en fait, ouais, c'est ça. Je vais finir avec ça. Il est à Vancouver, ça ne tente plus de collectionner, c'est bien correct. Fait que moi, puis un autre ami de par ici, on se dit, ben, on va t'acheter la collection, puis on va comme se garder des affaires, puis on va revendre le reste aux gens, tu sais. Fait que c'est ce qu'on a fait, on a payé sa collection très cher, pas vraiment fait de profit là-dessus, ou très minimement, mais c'est pas grave, tu sais, on a comme fait circuler les choses, et puis c'était très bien. Et puis, j'avais gardé les affaires, mais il y a des affaires que l'autre personne avec qui j'ai acheté la collection a gardées. Et puis, il y avait beaucoup de choses qui dormaient chez ce gars-là depuis cette aventure-là, qui date de genre 2 ans certains, là. Donc, la collection du gars de Vancouver s'est ramassée entre nos mains il y a 2 ans. On a chacun gardé des choses et puis on a vendu plein d'affaires. Et puis, il y a des choses qui dormaient chez cet ami-là et puis des affaires qui sont dans ma collection maintenant. Or, cet ami-là, je vais-tu dire des noms? Le King, on va dire le King. C'est ça son surnom. Fait que moi, le King avait des consoles analogues et puis chez eux qu'il voulait vendre. Puis on s'en était parlé il y a un méchant bout, là, il y a un an et quelques, puis je voulais y acheter ça. Et puis je savais qu'il y avait les jeux de collection Game Boy. Parce que j'ai développé le désir d'avoir un full set Game Boy depuis ce temps-là. À l'époque, il y a 2 ans, quand on avait acheté la collection, j'aurais vraiment gardé beaucoup de jeux de Game Boy si c'était dans mes projets, mais ça ne l'était pas à cette époque-là. Or, ça l'est devenu. Puis je savais que ces jeux-là dormaient chez le King. Et puis là, je voulais vraiment voir avec lui s'il était intéressé à me vendre ça. Et puis, mais c'est dur, les horaires, on n'arrivait pas à être en même temps ensemble. Mais là, on s'est organisé et puis j'ai pu aller chez le King 2 jours, un mardi comme ça, parce que je travaille autonome puis je suis flexible. Fait que c'était bien le fun. Fait que j'étais allé chez eux, bien relax. Et puis on a regardé ça. Mais là, chez eux, il était un peu en replacement des affaires aussi, donc. Il y avait du stock partout, c'était fou. Fait qu'il avait sorti des bacs et des bacs de patentes. Et puis, j'ai acheté ce que vous avez vu sur les photos sur ma page Facebook. J'ai gardé des jeux de Super NES. Une analogue NT, mini NT. C'est comme un NES, ça. Quelle belle machine. C'est ma machine de rêve. Et puis, la Mega SG aussi, qui est un Genesis de analogue. Et puis, on a eu de la misère à retrouver le stock de notre ami de Vancouver. Puis, finalement, on l'a retrouvé dans le fond d'une boîte. Puis il y avait des gros jeux là-dedans, mais je savais pas quel gros jeu il restait ou non de ce qu'on avait vendu à l'époque, tu sais. Puis finalement, il restait quand même pas mal la crème et je suis très content. Et puis je vais y aller par ordre de valeur. Non, je vais y aller dans l'ordre des choses. Et puis un jeu important pour moi, c'était ce Spud's Adventure, les jeux de patates au Game Boy de Atlus. Amazing Tater et puis Spud's Adventure, c'est les deux jeux les plus rares et qui valent le plus cher sur la... Ben, rares non, parce qu'il y en a sur eBay, mais c'est les jeux qui valent, c'est les jeux qui valent le plus cher. Spud's, c'est le numéro 2. Et puis, à l'époque, notre ami, quand on chassait, il avait trouvé ça, j'avais trouvé ça, au marché aux puces Saint-Eustache dans un bac, ne sachant pas ce que c'était. Finalement, j'y ai laissé, tu sais. Et puis, je savais pas que ce jeu-là valait genre 300$. Fait que là, il l'a pris, mais ça m'était tout le temps resté sur le cœur un peu, tu sais. Fait qu'il l'a eu dans sa collection pendant tout ce temps-là. Après ça, c'est allé chez le King à Vancouver. Pas à Vancouver, mais chez le King, chez eux, puis ça a dormi dans une boîte. Puis là, j'étais comme, ah, je veux revoir le Spuds, là, tu sais, qu'on a comme trouvé dans nature pour 10$, 11$, puis ça vaut 300$. Donc là, finalement, le Spud est revenu ici. Je suis vraiment content qu'on l'ait encore et puis qu'on... c'est le même jeu qui vient du marché aux puces. Ce jeu-là a comme une histoire dans, gang, dans notre gang. Donc, je suis très, très, très content d'avoir ça. Ça enlève un gros morceau. C'est numéro 2, dans le fond. C'est comme c'est l'équivalent de Flintstones au NES, là, tu sais. Donc, puis en plus, c'est quand même en très, très bel état, là. Donc, gros morceau. Ben, ben, ben content. Au Game Boy, il existe un jeu de F1 qui s'appelle F1 Pole Position, un jeu de Ubisoft. Et puis ça, ça a l'air de rien, là. Avec le gros carré noir dans le bas, la photo mal centrée, tu sais. c'est weird. Ça, ça vaut environ 200$ et puis c'est vraiment pas commun du tout. J'avais activé les notifications sur eBay, puis j'en voyais passer, man, c'était cher, là. Puis Nick, bon, j'ai dit son nom, notre ami de Vancouver, Nick, m'avait dit qu'il avait ça dans sa collection, là, puis il savait pas c'était où, tu sais, si... il l'avait en tout cas, puis moi je savais pas s'il y avait ça chez le King dans le fond de la boîte ou s'il l'avait, on l'avait vendu depuis le temps, mais on l'avait pas vendu, puis on l'a retrouvé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Ça, c'est dans le top 5 des jeux difficiles à trouver de la console aussi. C'est un très, très gros morceau, ça. Je suis vraiment content. Night Quest, qui est un genre de... J'ai même pas joué, hein, je sais pas exactement. C'est un genre de RPG, aventure un peu weird, mais que je pense qui est très bon parce que ça vaut 150$ environ. Et puis, je savais pas que Nick avait ça dans sa collection à l'origine. C'est comme une super belle surprise parce que ça, avec, c'est dans le top 8 certains là, des jeux les plus chers de la console. Donc, trois gros jeux avec ça là, qui viennent de tomber. Vraiment, vraiment, vraiment heureux. Nick avait ça, Cool Ball, dans sa collection. Puis moi, j'étais ça vaut 100$ environ. J'ai comme, yeah, tu sais. Puis finalement, Jonathan puis Fred, mes chummés de chez Retro Montréal, m'avaient acheté ça pour ma fête. Fait que là, ils m'ont dit, non, prends-le pas. Ben, écoute, on te l'a acheté pour ta fête. Fait que prends-le pas. Ben, j'ai dit, ben, je prends tout de toute façon. Fait que... Ça vient de chez Flip Jeux à Québec. Moi, j'avais communiqué avec Jason de chez Flip. J'ai vu qu'il y avait ça, tu sais. Puis finalement, bon, il vendait un peu plus cher que ce que j'étais prêt à mettre. Puis c'est bien correct. Mais les gars ont sournoisement checké ça dans mon dos. Puis ils l'ont acheté pour me le donner à ma fête. Donc, c'est vraiment très gentil de leur part. Donc, j'ai pas ramassé celui de Nick qui avait dans la collection, qui avait dans chez le King. Il va être disponible chez Retro Montréal bientôt. Entre-temps, ben, celui-là s'ajoute à ma collection aussi. C'était dans le top 10 de ce qui me manquait. Là. C'est très, très, très heureux d'avoir ça. Et puis, je me suis gâté. Ça, je savais pas que Nick avait ça dans sa collection. Du moins, je m'en souvenais plus. Et puis, j'ai décidé de le garder aussi. Puis ça m'a quand même coûté cher. Mais quand même moins cher que si je l'avais payé full price. Parce que le King, il m'a fait des très bons prix. Comme d'habitude, j'ai décidé de garder Shantae au Game Boy Color, qui est un jeu qui vaut genre 500-600$ à peu près. Et puis, c'est le premier jeu de la première apparition de Shantae, qui est une série que j'aime beaucoup. Et puis, c'était quand même plus dur à jouer cette version-là. Je l'avais téléchargé sur ma 3DS dans le temps. Et puis, mais je vais réessayer comme il faut avec l'analogue Pocket quand ça va sortir. Bref, ça, c'est quand même un Holy Grail là, dans une collection. C'est très, très hot d'avoir ça. Et puis, mais d'un autre côté, c'est pas... Je le convoitais pas vraiment, mais là, il était là. Puis, le prix était bon. Puis, je suis comme, alright, non, je le garde. Puis, j'aime... C'est legit quand même. J'aime beaucoup chanter, puis vu que l'Analog Pocket s'en vient, je veux me bâtir une... J'ai déjà une solide collection de jeux portables, mais ça, ça va en faire partie, puis c'est beau, là. C'est beau sur les tablettes, là, c'est bien certain. Donc, très gros jeu ici. Ça devient une des très belles pièces de ma collection. Je suis bien content. Et puis, dans tout le reste de ce qu'il y avait de la collection de Nick Schilking, voici ce que j'ai gardé. Maui Malor in Cold Shadow, qui est un genre de jeu de Disney où est-ce que Donald Duck devient un genre de moine Shaolin, je sais pas quoi. Et puis, ça, c'est un jeu que je veux au Super NES depuis un bout. Je trouve que ça a l'air bon. Je pense que c'est bon. C'est un jeu qui a pris de la valeur au Super NES, qui a une valeur intéressante au Game Boy aussi. Bien content de savoir qu'il y avait ça dans la collection à Nick. Lamborghini American Challenge. Pas commun, pas rare, mais ça vaut plus que 5$. Mais c'est ça, jeu de course. Elevator Action. Moi, j'avais déjà la version Taito, mais là, c'est la version Natsumi, publiée par Natsumi. Donc là, je suis rendu à un point où est-ce qu'il va falloir que je prenne des décisions, parce que il y a des jeux qui sont publiés. Mettons, Félix de Cat, c'est un gros jeu, ça. Il y a une version Electro Brain, puis il me semble une version Sunsoft. Sunsoft a republié beaucoup de jeux sur Game Boy, genre les Final Fantasy, et puis il y a plein de jeux, c'est Sunsoft. Je pense qu'il y a Chase HQ aussi, qui a une version Natsume et Taito. Là, il va falloir que je me fasse une tête sur genre... Ben là, je voudrais pas les deux versions de chacune, mais laquelle je veux, tu sais, la première qui est parue, la... Il va falloir que j'étudie ça, là. Mais en tout cas, j'avais déjà Elevator Action. J'ai gardé celui-là. Là, j'ai les deux, puis je vais prendre une décision plus tard. Shanghai. Bon, Shanghai. J'aime ça, moi, ce jeu-là, en passant. J'aime ça, jouer à ça. Jouer à ça sur le PC de ma sœur dans le temps. Et puis, il n'y a pas longtemps, je testais des jeux chez Retro Montréal, des jeux de Super NES, puis il y en avait un, là, de Taito, là, justement, d'ailleurs, il me semble. Puis, en testant le jeu, je suis comme resté collé, puis j'ai joué pour vrai. Ça me détend. Je trouve que c'est un beau jeu. Ça, c'est pas commun du tout. Fastest Lap, un autre jeu de course. Beaucoup de jeux de course. Nick est un gars qui aimait la course. Et puis, ça vaut quand même 25-30$, je pense. Donc, c'est pas... C'est très bien. Je suis comme super content. Un semi-gros d'abattu. Rempart, qui est paru sur toutes les consoles. Pas d'intérêt pour ça. Mais ça vaut plus que 5$ aussi. Ça vaut pas grand-chose, étrangement. Bomberman Game Boy, je pensais que ça allait valoir quelque chose, mais non. Fait que je l'avais pas, je l'ai gardé. Et puis Street Fighter 2, parfait label, je n'avais pas ça non plus. Donc, quand même un beau petit stash là, ici là, qui s'ajoute. Donc, ça avance. Ma collection Game Boy, je suis vraiment content. Pour les autres affaires, Sneaky Snakes, ici, que mon ami Fred Gemus avait dans sa collection. Puis, il avait pas besoin de ça, il en voulait pas. Puis moi, j'étais curieux de ce jeu-là. Avant même qu'il m'en parle, j'avais spoté ça, que ça existait. Puis, j'aime bien, moi, Snake Rattle and Roll au NES, qui est un jeu de Rare. Et puis, je trouve ça intéressant comme concept. Sauf que, tu sais, tu manges des petites boules, puis à un moment donné, ton serpent, il est assez gros, puis tu rentres dans la porte, puis t'as fini le niveau. Mais c'est une vue isométrique, tu sais, puis c'est très comme tourné en rond. Et rester aux mêmes places, puis manger, puis tuer des ennemis, puis après ça, t'en aller. Mais celui-là, c'est un platformer, avec le même concept de manger des petites boules, et puis de grossir, puis d'avoir des power-ups. Donc, mes versions platformer. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je vais définitivement essayer ça. C'est pas un jeu qui vaut une fortune, là, mais genre... J'ai-tu payé, Fred, moi? Pour ça, je m'en rappelle plus. 15-20$. Donc, très cool. Et puis, j'ai trouvé ça dans le sous-sol de Retro Montréal. Je sais pas ce que ça faisait là. C'était Mortal Kombat 2, j'avais pas ça. Ça vient sûrement du Game Zone, en fait, trouver ça dans le fond des bacs. Et puis, ça allait se faire mettre en inventaire. Puis, je regarde toujours, je suis comme, « Hey, je l'ai pas, lui. » Fait que je l'ai pris. Mortal Kombat 2. Primal Rage. Hey, je fais plein de jeux de combat, hein. Et puis, Game & Watch Gallery. Donc, rien à se tirer d'un mur avec ça. Mais, je les avais pas. Ça s'ajoute. Et puis, pour finir, deux petits fillers. J'ai acheté des jeux que j'ai... excusez, je vois les messages popper dans mon écran, je suis en train de lire. Faut pas que je fasse ça. J'ai acheté des jeux chez The Retro PJ Games à Québec, et puis les gars, ils m'ont... j'ai acheté des jeux Atari et puis jeux à télévision, mais j'avais poké les gars aussi pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le Game Boy. Et puis, bon, finalement, j'achetais juste l'Atari et la télévision. Puis les gars m'ont quand même mis dans mon paquet deux petits fillers, Radar Mission et puis NHL 95. Donc, un petit cadeau là, qu'ils m'ont donné comme ça, des cassettes comme parfaites, parfaitement propres. Donc, c'est très apprécié, des petits cadeaux comme ça. Merci, les gars. Faudrait que j'aille... Là, pour les rares fois que je vais à Québec, la prochaine fois que j'y vais, faudrait que je passe chez Retro PJ Games. C'est une des seules places que je peux aller encore. Donc, beaucoup de jeux qui s'ajoutent. J'aurais dû noter quelque part le nombre où est-ce que je suis rendu. Faudrait que j'aille voir dans mon téléphone, mais mon téléphone sert à me filmer présentement. Donc, ça n'est pas grave. Écoutez Rétro Nouveau, puis vous allez le savoir, en fait. D'ailleurs, Rétro Nouveau est un peu sur pause parce que Jeff, il a eu son bébé. Et puis, un beau bébé, là, bien en santé, qui régurgit la nuit et tout. Donc, il est bien content, il est bien content. Et puis, fait que vu que Jeff dort jamais plus que... que 2 heures de la shot dans sa vie présentement, il est mort. Donc, on peut pas faire Rétro Nouveau chez eux. Et puis, je comprends ça parfaitement. Pour moi, ça fait tellement longtemps. Tu sais. Mon deuxième vient d'avoir 7 ans. Tu sais, puis, mon premier, il a 11 ans, bientôt 12. Comme, de la misère à me souvenir. En même temps, je veux pas tant me souvenir du manque de sommeil. Mais c'était intense. Donc, courage, JF. Ça passe vite, tu vas voir. Et puis, donc, Rétro Nouveau est un peu sur pause. On va le faire dans le sous-sol à Fred, dans sa game room. Il travaille là-dessus présentement. Alors, on essaie juste que ça soit tight et puis que ça soit Rétro Nouveau qualité. Ça ne le sera peut-être pas autant, bien sûr, mais à suivre. Donc là, le temps qu'on figure tout ça, on est sur pause. Mais on va essayer de revenir, puis moi et Fred, on va continuer notre petite affaire de défi de full setter avec le visuel puis tout. Puis Fred, il y a aussi beaucoup de jeux de Genesis qui sont ajoutés à sa collection. Et puis, pour ce qui est de RDS, le défi NES et Super NES RDS qu'on a fait tout au long de l'année passée, ça, dans le fond, à chaque mois, on challengeait les gens de finir un jeu puis avoir un high score à un autre jeu. Au NES, puis au cours de l'année, Nintendo sur Switch ou en copie physique, comme vous voulez. Et puis, au cours de l'année, Nintendo ont mis sur la Switch les jeux de Super NES. Donc, après ça, on a rajouté des Super NES là-dedans. Et puis, bon, il y avait... tu rentres ton score, tu mets une photo, tu gagnes des prix. Mais on a manqué un peu de temps pour le gérer, là, tu sais. Puis, l'engouement, il a baissé un peu avec les mois. Fait que je suis pas sûr que ça va revenir pour l'année prochaine. Là, moi, Mario, on en a reparlé. Pas pour le mois de janvier, c'est sûr, en tout cas. Peut-être pour une autre formule, je ne sais pas trop, mais tout ça se passait sur le groupe de RDS Jeux vidéo en passant. Mais ça se peut que ça revienne pas. Fait que c'est bien correct, c'est bien correct. On essaye des affaires et puis c'est très bien. Merci à tout le monde qui ont participé. J'aurais personnellement aimé participer vraiment aussi, mais je pouvais pas, j'étais pas organisé pour et puis j'avais pas. On manque de temps. C'est vraiment le manque de temps qui est à la source de ça. Pour Mario et moi. Fait que on verra. À tout le moins, RDS Jeux vidéo, le site web est toujours bien vivant et bien rempli de nouvelles. Allez voir ça. Et puis, en ce qui me concerne, ben c'est ça. C'est comme je vous ai dit au début du show, c'est ma vie présentement. Et puis, je suis bien occupé, bien motivé, bien crinqué pour 2020. Et puis, merci à tous d'écouter ça. Et puis, je veux vraiment upgrader la formule ici aussi un peu. Si jamais j'ai du temps, j'aimerais ça rajouter du visuel dans l'épisode du gameplay, des pochettes, des jeux que je parle, des genres d'affaires de même. Mais le montage vidéo, ça prend beaucoup de temps. Et puis, vu le nombre d'écoutes, tu sais, des fois, moi, le monde n'écoute pas tant le truc. Tu vas mettre 40 heures là-dessus, tu sais, ça... Faut balancer, là, tu sais. Mais moi, personnellement, c'est pas... J'aime juste comme parler, comme ça. Fait que je veux pousser ça un peu plus cette année, là. Fait que c'est cette année que ça... les choses vont commencer à vraiment se placer pour moi parce que je vais avoir gagné la stabilité. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Mais bref, à tout le monde qui m'écoute présentement, merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Ça me fait plaisir de parler de mes affaires comme ça. C'est un exutoire. Faut ventiler. Et puis, je suis très personnel dans ce que des choses que je parle. Et c'est peut-être des fois trop. Mais en tout cas, voilà, merci. Vraiment gentil. Et puis, voilà, Rétro Nouveau va revenir. RDS, Arcade Montréal, Rétro Montréal, yeah, tasse de café. Merci beaucoup et puis à très bientôt.